Nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Nous remercions le Seigneur pour avoir gardé le pasteur et tous les frères et sœurs qui sont partis à Lubumbashi pour l'enterrement. Levons-nous pour la lecture de la parole. Ouvrons nos Bibles dans Ruth au chapitre 1. Dans son verset 1. À 4. Nous prendrons aussi Lévitique au chapitre 25. Dans son verset 23. Jusqu'au verset 24. Nous te bénissons, notre Père éternel. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Et qu'il soit glorifié d'éternité en éternité. Le seul nom que tu nous as donné comme solution à tous nos problèmes. Le nom que tu nous as donné, qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous accorde la guérison et la délivrance. Merci Seigneur. Encore une fois de plus, nous t'invitons de venir avec nous. Et enseigne-nous tes voies. Nous voulons les connaître. Et nous voulons être sauvés par toi. Seigneur, ces frères et ces sœurs qui se sont assemblés ici ne sont pas venus pour voir un homme ni pour entendre un homme. Quand les hommes parlent, ils sèment la confusion, ils amènent la mort, ils amènent la tribulation. Mais quand toi tu parles, tu donnes la vie, tu donnes la paix. Nous voulons que toi tu parles pour notre bénédiction. S'il y a un frère, une sœur qui a une requête dans son cœur, Seigneur répond à cela. Merci. Accompagne-nous pendant ce service. Bénis la parole qui sera lue. Et donne-nous des mots justes. Des mots d'édification. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Du début à la fin. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ruth au chapitre 1. Luta sur la kwanja. Verset 1 à 4. Ustari ya kwanja tunafika ya ine. Du temps des juges, wakati ya wamzi, il y eut une famine dans le pays. Ukakwanja muinchi. Un homme de Bethléem de Juda partit. Mutuma ku Bethléem ku Judea akaondoka. Avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem et Juda. Arrivé au pays de Moab, kufika muinchi ya Moab, ils fixèrent leur demeure. Bakaweka makao yabo kule. Elimelech, mari de Naomi, Elimelech, mume wa Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Akakufa na Naomi akabakia na batoto yake ba Naomi wawili. Ils prirent des femmes moabites. Na watoto wakaoa babibi ba Moab, dont l'une se nommait Orpa. Umoja jina lake ilikuwa Orpa. Et l'autre Ruth. Na mwingine Luta. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Na wakaishi kule kadiri ya miaka 10. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Wakakufa nao vile vile wote wawili. Et Naomi resta privée. Na Naomi akabakia bila de ses deux fils. Bila batoto yake wawili wanaume. Et de son mari. Na hata na mume wake. Dans Lévitique au chapitre 25. Voilà où il sera beaucoup mis la tano. Dans son verset 23 à 24, les terres ne se vendront point à perpétuité. Udongo abutawezi kuzishwa kwa lote. Car le pays est à moi. Kwani inchi ni yangu. Car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. Na kwani mko kwangu sa wageni na wakaji. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons lu ce livre de Ruth dans lequel Dieu révèle le véritable rachat. C'est un livre très très très important. Dans lequel Dieu s'adresse aux élus par cette image. Mule bwana kuna sema na wateule kupitia hii mapicha. Nous parlerons de ce livre. Tasema njoa kitabu ya Luta. Avant de passer à autre chose. Bila kupita kwa maneno mengine. Et j'aimerais que tout le monde suive attentivement. Na nitapenda watu wote bafuate na utaratibu kabisa. Parce que nous approchons petit à petit. Jutuna karibia pole pole. Aux choses très importantes dans la foi. Kubintu vya mafaa sana katika imani. Ce soir, nous voulons commencer à parler sur les rachats. Mangaribi ya leo tunapenda kusemea yulu ya ukombozi. C'est ça même la raison fondamentale pour laquelle nous avons lu ces deux écritures. Na ndio sababu ya msingi tulisomea hii maandiko mbili. Dans le rachat, ndani ya ukombozi. Depuis l'Ancien Testament, tangia agano za kale. Nous devons distinguer deux choses fondamentales. Tunapasha kuachanisha vitu mbili vya mafaa sana. Il y a les rachats de propriétés, kuko ukombozi ya mali, les rachats de terres, ukombozi ya bulongo, les rachats de maisons, ukombola kwa manyumba, et deuxièmement, il y a les rachats de l'homme. Na ngambo ya pili kuna kwa ukombozi ya mtu. Et dans ces deux rachats, Nandani a eu ukombozi mbili, qui sont l'image du véritable rachat, yenye kwa picha ya ukombozi nyewe ya kweli, que Dieu lui-même devait faire sur nous. Ile Mungu ye mwenyewe alipasha kufanya yulu yetu. Dieu devait accomplir sur nous. Mungu alipasha utimiza yulu yetu. Nous montrerons pourquoi il y a eu les rachats. Tutaonesha juu ya nini kulikuwa kazi ya ukombozi. Si nous comprenons bien l'Ancien Testament, kama tunaelewa vizuri Agano za Kale, cela va nous faciliter ile tutusaidia la compréhension de notre rachat dans le Nouveau Testament. Sikiliza mzuri ukombozi yetu katika Agano Jipya. Et cela va nous aider à faire de bonnes expériences avec le Seigneur. Na ile tutusaidia tufate kufanya maonjo ya mzuri na Bwana. Le rachat est un droit divin. Ukombozi ni rusa ya Mungu. Que Dieu lui-même, il est Mungu yeye mwenyewe, accompli en faveur de son peuple élu. Iko la timiza mufaida ya taifa yake ile alichagua. Le rachat, ukombozi, est un acte divin. Ni tendo ya Mungu. C'est une œuvre divine. Ni kazi ile Mungu anafanya. Que Dieu lui-même, ile Mungu yeye mwenyewe, en tant que créateur, sawa mumbaji, est propriétaire de toutes choses. Na mwenye vitu vyote, accompli en faveur de son peuple qu'il s'est choisi. Akolatimiza mufaida ya watu wale yeye mwenyewe alichagulia. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, njoko maana tangia Agano za Kale, Dieu avait donné à Israël une possibilité. Mungu alipatiaka kwa Israeli njia moja de récupérer tout ce qu'il avait perdu. Yaye kubeba bile byote alipotezaka pendant sa pauvreté. Wakati ya umaskini yake. Depuis l'Ancien Testament, tangia Agano za Kale, le Dieu tout-puissant, Mungu mwenyezi, qui avait choisi Israël sur toute la terre. Ule alichaguaka Israeli kati ya mataifa yote pa dunia. Comme sa propriété, sawa mali yake au peke, comme son peuple élu, sawa watu wake wachaguliwa, dans sa grâce, katika neema yake, dans sa miséricorde, murema yake, dans sa bonté, katika wema wake, Dieu sachant, Mungu mwenye kujua, que dans la vie d'Israël, yakambo maisha Israeli, il serait asservi par la pauvreté, atafungwaka na bumaskini, et que pendant cette période de détresse, na mwile wakati ya ole ya kukosewa, période de manquement et de difficulté, wakati ya kukosewa na wakati ya magumu, Israël perdrait, Israël atawezi kupoteza, ou les enfants d'Israël perdront, wala watu wa Israeli baliwezi kupoteza, tout ce qu'ils avaient, yote bili balikuwa navyo. Et Dieu donne maintenant cette loi du rachat, na Mungu sasa analeta ile sheria ya kukombola, pour donner la chance ya kupatia kubahati, pour faire grâce à Israël, Dieu kufanyia kunema Israël, de récupérer, yaye kubeba kukombola, tout ce qu'il avait perdu, bile byote alipotezaka, pendant la période de la pauvreté, wakati ya umaskini. Le rachat, ukombozi, est une question d'amour. Ni mambo ya mapendo. C'est par amour. Ni kwa upendo juu ya Israeli. Et Dieu instaure cette loi. Dio Mungu analeta hii sheria. Pour le relever. Dio akubainu wako. Pour leur redonner encore la vie et l'espoir. Dio akupatia kote na uzima na tumaini. Ah, c'était son peuple. Djubo balikuwa ni taifa yake. Et c'est son peuple. Na ni bya kweli ni taifa yake. par le rachat, un acte entièrement d'amour envers son peuple élu. Dieu redonne de la valeur à ses bien-aimés. Il a donné à Israël de se libérer en payant un rançon. Mukulipa malipo ya ukombozi. C'est vrai. Nibia kweli. Même si quelqu'un était pauvre, était tombé dans une pauvreté extrême. Ata kama mtu alizo kwa maskini moyo ya ajabu. Et qu'il se vendait lui-même. Na akafika mukimo ata kujuzisha yeye mwenyewe. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Miséricorde de Dieu. Rehema ya Mungu. Parce que Dieu est miséricorde. Dieu Mungu ni wa rehema. Dieu aime son peuple. Mungu anapenda taifa yake. Dieu aime l'homme. Mungu anampenda mutu. Qui veut le voir être heureux. Anapenda kumuona mutu aheri. Il veut le voir. Anapenda kumuona mutu. Ce dernier sans souci. Akue bila uzuni uzuni. Dieu a posé cet acte d'amour. Mungu akatenda ikitendo kya mapendo. Même s'il n'avait pas d'argent, comme je venais de le dire. Ataka mumutu alikuwa bila fedha, paka vile natoka mkumionyesha. Dieu avait ordonné. Mungu aliamuru que son plus proche parent. Ya kwamba ndugu yake wa karibu puisse racheter l'homme. Mais si ce dernier n'avait même pas de proches parents, capable de le racheter, ou s'il n'avait plus de proches parents, il est resté orphelin ou orpheline. Mais l'amour de Dieu. Lakini mapendo ya Mungu. Pensez aussi à cet orphelin. Ilikuwa na waza hako na kukumbuka kwa ule muyatima. Et Dieu na Mungu le libéré. Alianza kumfanya huru na kumkomboa. Par la loi que lui-même avait instauré. Kwa njia ya sheria ile Mungu yeye mwenyewe alileta. Le jour du jubilé. Siku ya yubile. Les jubilés pouvaient les racheter. Iliwezi kumkombola. Il fallait qu'il y ait un proche, un parent rédempteur. Il passait auprès muzazi wa karibu wa kumkomboa. Et ses proches parents. Na huyu muzazi wa karibu. Qu'on appelle aussi en d'autres termes un parent rédempteur. Ule wanaita tena namna nyingine kusema baba muzazi mkombozi. Il est aussi appelé anaitwa tena vile vile dans le cas de meurtre mambo ya lufu ya mauaji comme un vengeur de sang sawa ule wa kwa kulipisha damu ya ndugu yake un vengeur de sang wa kulipisha damu était un proche parent alikuwa ndugu wa karibu de la personne qu'on avait tué ya ule mtu baliua. Quelqu'un qui avait le droit du rachat sur lui. Mais ule muntu alikuwa na ruhusa kumkombola. Dieu aime tellement l'homme. Mungu anampenda sana mutu. Bien que l'homme s'est éloigné de lui. Hata kama mutu alijipeleka yeye mbali na Mungu. Il n'a pas compris. Hakuelewe. Le pourquoi Dieu l'avait créé. Sababu yeye Mungu alimumbia. Et l'avait mis sur la terre. Na kumweka pa hii dunia. Malgré qu'il avait fait une grande faute. Hata kama aliwezi kutenda kosa mkubwa. Mais Dieu a manifesté de l'amour. Lakini Mungu aliendelea kuonesha mapendo. Et de la miséricorde. Na rehema kwake. Dans Nombre au chapitre 35, oui, ça, vous, dans son verset 12, dans son verset 19, dans son verset 25, dans son verset 27, lisez tous les chapitres des Nombres 35. Là où il est parlé du vengeur de sang, en ce qui concerne le meurtre, c'est vrai. Dans son verset 9, pour lire un peu cela, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez dans des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Pour un homme ou une femme qui tuait son frère, sa sœur, involontairement, accidentellement, sans préméditation, Dieu avait établi les villes de refuge. Comme pour punir le maître, Dieu avait déjà établi une loi très sévère pour décourager les meurtriers, les méchants, et les imprudents. Na, licho kwa licho, quand vous tuez, on devait vous tuer. Ukiua, na uba nakua. Mais Dieu comprenait que l'homme reste un homme. Lakini Mungu alielewa kwamba mtu anabakia paka mtu. Comme celui qui avait tué sans préméditation, accidentellement, involontairement, bila kutaka, la grâce de Dieu, neema ya Mungu, l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, a instauré pour lui ikaweka njuu yake des villes de refuge, miji ya kukimbilia. C'est vrai, bia kweli. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs de sang. Ile miji temsaidia sama kufuchamia kukimbilia mbele ya ule wako kulipishana kulipisha damu ile romanga, afin que les meurtriers ili muuaji ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Verset 15. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir l'homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 19. Si le vengeur de sang, le vengeur de sang fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le tuera. S'il attrapé en dehors de la ville de refuge. Mais si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit de suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. L'évangile du sang le tuera, tuera le meurtrier quand il le rencontrera. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à dire ici. Je ne peux pas me plonger là-dedans. Ce que je vais seulement dire, frère, en tant que fils ou fille de Dieu, comme des élus de Dieu, éloignons de nos cœurs la haine. Évitons des actions haineuses dans notre vie. Évitons de poser des actes avec préméditation. Volontairement. Avec une par inimitié. Évitons cela. Je m'étais ici, je m'arrête ici, parce qu'on peut dire beaucoup de choses et cela va nous amener ailleurs. L'Église est avec moi. Le péché commis avec préméditation, volontairement, par haine, par inimitié, ce sont des péchés impardonnables. Évitons cela. Ne faites pas quelque chose avec une fausse interprétation que le sang de Christ est là. Il est plus fort que ma méchanceté, que ma haine. Non, frère. Non, ma soeur. Tout ce que vous faites par préméditation et volontairement et par haine sont des choses qui seront châtiées par le Seigneur et qui vous entraînent dans un péché impardonnable. N'agissez jamais avec préméditation sur votre frère, sur votre soeur, sur votre femme, sur votre mari, sur un païen, sur quoi que ce soit. Non, et non, et non, et non, et non, et non, et non, et non, mon frère, ma soeur. Apana, apana, ndukuyangu, dadayangu. Mais, Lakine, le verset 22. Mais si un homme pour son prochain, subitement, Lakine, kama mtu anasukuma mtu wake kwa ghafla, et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui, voilà, sans préméditation, par erreur, ou s'il fait tomber sur lui, voilà, par mes gardes, une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il y ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur. L'Assemblée livrera le meurtrier. Vous allez continuer. Voyez bien, mes frères. Tous les péchés que nous commettons par ignorance, par préméditation, involontairement, non par préméditation, les actes que nous posons par amour, même si vous faites du mal, mais dans ton cœur là, tu pensais que tu faisais du bien, Dieu pardonne cela. Il y a des erreurs qu'un homme peut faire en voulant faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un pense faire du bien à quelqu'un, mais alors il lui fait du mal. Vous voyez, il n'a pas prémédité cela. Il n'y a pas de la méchanceté. Il n'y a pas de la vengeance. Il n'y a pas de rancune en lui. Il n'y a pas d'inimitié en lui. Si un tel homme, après qu'on lui ait dit, après qu'on lui ait révélé que l'acte qu'il a fait est mauvais, cela a causé préjudice. Quand il en est conscient, il s'en répand et Dieu lui pardonne. C'est à de tels péchés. Quand un frère te demande, mon frère, ma soeur, je ne l'ai pas prémédité. Dieu voit mon cœur. Pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire du mal. Frère, même si tu avais la colère du diable, pardonne. Il y a certaines choses moi qui m'afflige. Si nous traitons les affaires de brebis. Vous voyez, un frère a un différent avec un autre. Une sœur a un différent avec un autre. Sa sœur ou son frère. Il dit, mon frère, je vous dis au nom du Seigneur, je n'ai pas prémédité cela. C'est par erreur. Je reconnais que je vous ai fait du tort. Je vous ai fait du mal, pardonne-moi. Et vous, on voit des frères et des sœurs. Non. Tu as prémédité cela. Je ne peux pas te pardonner. Tu vas me sentir. Tu sauras de quel bois je me chauffe. C'est un signe d'inconversion. C'est un signe qui prouve que ce dernier n'a jamais été sauvé. Il n'a jamais été pardonné. Il n'a jamais lui-même expérimenté le pardon. Un homme sauvé, il est prêt à pardonner et à oublier les offenses de ses frères. C'est ton frère, c'est ta soeur. Il n'est pas ton ennemi. Il n'en voulait pas ta vie. Il ne voulait pas te causer du tort. C'est par mégarde qu'il a fait. Il se demande pardon. Pardonnez-lui. Jésus-Christ nous a pas dit, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jésus-Christ n'a-t-il pas enseigné? Si tu ne pardonnes pas ton frère, de tout ton cœur, Dieu ne te pardonnera pas. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Donc, ce vengeur du sang, qui était le plus proche, de celui qui avait été tué, il était en même temps le proche parent. Celui qui devait se venger venger son frère. Alors quand quelqu'un tuer quelqu'un d'autre, il devait courir à toute vitesse. Frère, il devait courir comme il n'a jamais couru pour atteindre cette ville de refuge qui était à côté de l'endroit où il avait commis le meurtre. Ce sont des, il y a des bonnes choses, ce sont des types. Il devait courir pour sauver sa vie. Parce que ce n'était pas par mes préméditations. La ville de refuge C'était une ville de grâce. Ilikuwa ni mji ya neema. Dans laquelle on trouvait des meurtriers. Mule, baranza kutamo, bauaji. Mais qui était sous la grâce de Dieu. Lakini bali balikuwa mu neema ya Mungu. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Un chrétien, frère. Mu Kristu nduku. Une chrétienne. Mwanamke mu Kristu. Ne pêche pas volontairement. Atendaki zambi kumakusudi. Non, frère. Apana nduku yangu. Je vais quitter là, mais je sens que je dois. Il n'a pas pas choix. Parler un peu de ça. Kusemea hapo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidia. À ne jamais péché volontairement. Usitende zambi kumakusudi. Que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidia. À ne jamais haïr par à ne jamais haïr quelqu'un. Vous se fiquez kuchukia mutu. Que Dieu nous aide. Mungu apate kutusaidia. De ne jamais agir par inimitié. Par préméditation. Kwa kufikiri mubaya. Non, frère. Apana ndugu yangu, Mungu apate kutusaidia mile kitu. Un élu. Na muteule. Un véritable fils de Dieu. Mtoto wa kweli wa Mungu, mwanaume. Ne peut agir ni par préméditation. Hawezi kutenda wala kwa kutangulia kufikiri mubaya. Ni par haine. Wala kwa chuki. Ni par vengeance. Wala kwa kulipisha kisasi. Ni par inimitié. Wala kwa buadui. C'est vrai. Ni bia kweli. Donc cette loi. Ni kusema hii sheria. Est une loi qui était donnée par Dieu. Une grâce qui était accordée à Dieu. Aux hommes et aux femmes qui péchaient involontairement. Lorsque nous lisons dans Josué. Josué chapitre 20. Dans son verset 5 à 6. Mutari yake ya 5 na 6. Vous commencez au verset 1. Mtanzia mstari ya kwanza. Allez jusqu'au verset 9. Mwende ufike mstari ya 9. Mais pour aller un peu plus vite, je prends le verset 5 et 6. Lakini kwa haraka nabeba mstari ya 5 na ya 6. Si bien, je prends seulement tout le verset. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Boku batu mingi abasomaki. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes. S'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils les recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Quelle grâce! Un meurtrier qui trouve demeure dans une ville de refuge. Nous étions des meurtriers. Mais Christ, lakini Christo, nous a donné une véritable ville de refuge. Akatupatia muji ya kweli ya kufuchamiamo. C'est vrai. Bia kweli. en Christ. Ndani ya Kristo. C'est là notre vue de refuge. Là, sous le sang de l'agneau. C'est vrai. C'est là où nous avons notre refuge. Le meurtrier. Mouaji. Ok. Verset 5. Salatano. Si l'évangile du sang le poursuit, les anciens ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il est comparé devant l'Assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. Alors, et à cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfoui. C'est vrai. Mais nous avons un souverain sacrificateur qu'on ne peut emporter par la mort. C'est vrai, frère. Nous avons un souverain sacrificateur que la mort ne peut emporter. Nous avons une ville, voyez, de refuge dans laquelle nous demeurons à vie éternellement. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et non. C'est un acte d'amour. Même la ville de refuge est un acte d'amour que Dieu a manifesté envers les pécheurs, les meurtriers involontaires qui ont posé un acte sans préméditation. Ils ne sont pas animés par aucune haine, par aucune vengeance. Ils n'ont aucune rancune. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Maintenant, frère et sœur, qui pouvait racheter l'esclave? Ni nani aliwezi kombola sasa mtumwa? Israélite ou Israéli, ou son héritage qu'il avait perdu, voilà, uriti yake alipotezaka pendant sa pauvreté, mwakati ya umaskini yake. La loi du rachat, sheria ya ukombozi, est une loi qui s'impose uniquement, ni sheria ile yenye kwa mkazo paka tu, est une loi qui s'applique uniquement sur les élus. Dans l'Ancien Testament, c'est une loi qui s'appliquait uniquement sur les enfants d'Israël, les bien-aimés. La loi du rachat, sheria ya ukombozi, ne s'appliquait pas, aba kwanze kuitumia, sur toutes les nations païennes. Yule ya mataifa yote ya kipagano. C'est une loi de Dieu, ni sheria ya Mungu, sur les enfants de Dieu. Yule ya batoto ya Mungu. C'est un acte divin, mitendo ya Mungu, sur les enfants de Dieu. Yulu ya batoto ya Mungu. C'est la manifestation nikonekanishwa de l'amour de Dieu kwa mapendo ya Mungu sur les enfants, sur ses propres enfants. Mbele ya batoto yake. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada yangu. et ne s'appliquait pas sur les méchants. C'est pour Israël. Ninju ya Israeli. C'est pour les élus. Ninju awa teule. Quand un enfant d'Israël, wakati mtoto wa Israël, devenait pauvre, akakuwa maskini, et qu'il vendait sa propriété, na fika kumkuzisha mali yake, et qu'il vendait sa maison, na anafika mkuzisha nyumba yake. Il y avait les jubilés. Jubilé. Qui pouvait ou l'année sabbatique. Voilà, mwaka ya sabato. Qui pouvait lui ramener ce qu'il avait perdu. Il wezi kumrudishia bila lipotezaka. Si il n'avait pas de possibilité. Kama alikosa namna. S'il avait un frère. Kama alikuwa na ndugu yake. Qui avait suffisamment de moyens, son frère pouvait l'aider. Celui qu'on a appelé ici, le proche parent, ou le parent rédempteur, ou le vengeur du sang, pouvait aider son frère à racheter ce qu'il a perdu. L'Église est avec moi. Si un enfant d'Israël, kama, je reprends, Israël, dans sa période de pauvreté, wakati yake ya umaskini, pour lui permettre de vivre, jua kumsaidia apate kuishi, avait vendu sa propriété, alifika mkuzisha mali yake. Il n'y avait que deux possibilités. Même je dirais même trois. Pour acheter ce qu'il avait besoin. Si lui-même étant un homme libre, il trouvait des moyens pour acheter ce qu'il avait perdu, il pouvait le faire. Si lui n'avait pas de possibilité de racheter ce qu'il avait perdu et qu'il avait un frère qui avait suffisamment de moyens pour aider son frère à racheter ce qu'il avait perdu, son frère pouvait le racheter. Et troisièmement, s'il n'avait personne, il n'avait pas lui-même la possibilité. Il n'y avait aucun frère. Il y avait des moyens pour acheter ce qu'il avait perdu. Le dernier secours, c'était Dieu. C'est ainsi que Dieu, au temps du jubilé, il rachetait l'amour de Dieu. Rachetait à l'homme ce qu'il avait perdu. Et au jubilé, l'homme ne payait rien. Parce que Dieu avait déjà payé par lui. Dieu avait déjà payé pour lui. Par sa propre loi. Mais il arrivait un temps. L'homme était riche. Il vend toute sa richesse. Il vend toutes ses propriétés. Il vend ses terres. Il vend même sa femme. Anauzisha ata mke wake. Il vend tous ses enfants. Anauzisha batoto yake bote. Et il se vend même lui-même. Na anafika mkujuzisha na yeye mwenyewe. Ou soit après avoir tout vendu, wala kisha kuzisha biote, Il se prend lui-même avec sa famille. Anajibeba ye mwenyewe na jamaa yake. Il va se vendre. Banaenda kujiuzisha. Là, le rachat était très difficile. Bale ukombozi ilikuwa nguvu sana. Tu veux très bien. Ufuate mzuri mzuri. Le rachat là était impossible. Ukombozi ile haikuwezekana. Il était impossible haikuwezekane de se racheter lui-même. Kujikomboa yeye mwenyewe. Quand un homme se vendait. Wakati mtu anaanza kufika mkujiuzisha. Pendant sa période de pauvreté. Wakati ya umaskini. C'était impossible de se racheter. C'était difficile de se racheter. Il kwa kigumu kujikombora yeye mwenyewe. Parce qu'il n'avait rien. Dieu asikuwa na kitu. Il s'était vendu. Alijiuzisha. C'est pour qu'il vive. Ni ili apate kuishi. Il n'avait rien pour vivre. Asikuwa na kitu cha kumsaidia apate kuishi. C'est pourquoi il s'était vendu. Joko mana alijiuzisha. Maintenant, comme il était dans l'impossibilité de se racheter lui-même, Dieu du ciel avait ordonné à son proche parent qui était puissant, qui était riche, qui avait des moyens, lui pouvait le racheter. Mais s'il n'y avait personne pour le racheter, Dieu s'est porté lui-même garant pour le racheter. Pourquoi Dieu? Dieu dit, je vais vous lire tout cela. Dieu a dit clairement que la terre ne peut jamais se vendre à perpétuité parce que c'est moi qui en ai propriétaire. Deuxièmement, l'homme ne peut jamais être vendu à toujours. Il ne peut jamais demeurer à perpétuité esclave d'une autre personne parce que tous les hommes, c'est moi qui les ai créés. Ils ne peuvent pas demeurer à perpétuité esclaves de quelqu'un. Dieu ne veut jamais que tu sois esclave de quelqu'un. Dieu ne veut jamais que je sois esclave de quelqu'un. Dieu ne veut jamais que nous soyons des esclaves des autres. Dieu ne veut jamais que nous demeurions sous la domination des hommes. Non, bien aimé frère, nous sommes la propriété privée de Dieu. C'est vrai, frère. Ça va, je m'arrête. Que Dieu bénisse. Sawa, mina simamisha hapo. Mungu amebariki. Va continuer. Tutaendelea. Est-ce que c'est bien? Eti, biko bizuri. C'est une bonne introduction. Ni kingilio mzuri. On va commencer à écrire. Tutaanza kuandika. Ça va, on va voir. Tutaona. Merci, pasteur, je comprends. Accent, pasteur. Mina siki. Frère. Nduku. Niwe mwenyewe. C'est toi-même. Tutasema tena bitu bingine. Nous allons encore parler d'autres choses. Nous allons vous enseigner d'autres choses. Kupenda butumwa. Vouloir être esclave. Niwe mwenyewe. C'est de toi-même, c'est de ton gré. Mungu ayapendaka. Dieu n'a jamais voulu. Shiku ata moya. À aucun moment. Aone muntu ari umo mufano yake. L'homme qu'il a créé à son image. Abakie mu butumwa bwa muntu. Demeurer à l'esclavage de l'homme. Non, frère. Apana ndugu. Dieu ne voudra jamais voir un homme qui a créé son image demeurer esclave des démons, du diable. Frère, quand vous voyez un homme, en appelant en Zambie, il aime le péché. En avec qui a mutumo en Zambie, il reste esclave du péché. Na mapeba mutiafu, il est démon. Ni yepe que Dieu en appelant. Il a voulu cela. Lui-même. Sont même pas des démons. C'est lui-même. Et là, n'a pas les, c'est un signe qui n'est pas un élu. C'est un signe qui n'a pas été prédestiné à la vie. C'est un signe qui n'a jamais été connu de Dieu. Demeurer dans les péchés, c'est le vouloir. Rester dans le péché, c'est aimer toi-même le péché. Mais Dieu, non. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez pourquoi Dieu lui-même a pris la résolution de venir. Il a pris une décision qu'aucun homme ne peut prendre pour nous racheter. Lève-nous pour la prière. Asante Bwana. Amen. Alleluia. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Asante Bwana. Amen. Alléluia. Quanne mayako. Amen. Quanne mayako. Quanne mayako. Amen. Oh, amen. Wa kutuokoa. Amen. Alleluia. Wa kutuokoa. Amen. Oh, wa kutuokoa. Wa kutuokoa. Amen. Oh, amen. Wafuako Baba. Amen. Alleluia. Wafuako Baba. Amen. Oh, wafuako Baba. Wafuako Baba. Amen. Oh, amen. Prions-nous tous ensemble. Éternel des armées. Toi, le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'amour. Riche à miséricorde. Le Dieu bon. Et le Dieu compatissant. Tu as consigné ces choses dans les Saintes Écritures pour nous dire ouvertement, pour nous révéler le plan que tu as conçu pour notre rachat, pour nous révéler cette grande affection que tu nous as témoigné, Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie de me révéler encore davantage ta volonté. Révèle encore ta volonté à ce peuple. Que chacun de nous comprenne